100% rap français, Planète Rap. La Nocturne. Et c'est parti pour La Nocturne, 100% rap français. On pensait s'en être débarrassé à 21h, et bien non. Non. Quoi, 21h? Même à 21h, j'étais pas débarrassé. Là, il était là. À 20h, non, aujourd'hui c'est Skyus. C'est Skyus ce soir, c'est Nocturne News. Par contre. Nocturne News, ça sonne bien. Hein. Nocturne News, c'est pas mal. Par contre, on a un problème, non? Ouais, parce que. Est-ce que t'entends le bruit de la attends, chicha? Ouais. Le petit battement de chicha. Il est là, en provenance du 3-3. En chair, en os et en fumée. Ouais. En chair, en os, en fumée, monsieur Sam, c'est avec toi. Mais c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle. C'est Marie qui lance la cérémonie. Exactement. La cérémonie. Pourquoi c'est quoi? Non, parce que c'est Festival de Cannes. C'est Festival de Cannes. Je vois, j'invite, je sais pas, Kate Blanchett. Ah là, nous on a Marie. Et on a Marie. Non, c'est bien bon. Et bah, je pense qu'on Marie, tu peux déclarer un peu la nocturne ouverte. Ah oui, donne. Ah bah ouais, Youssoupha, la nocturne de Youssoupha ouverte. T'imagines si elle présentait l'intro du Festival de Cannes. Ça serait un bordel. Ce serait quand même mieux. Ça serait un petit bordel. Tu ferais moins chier qu'avec Lambert Wilson, quoi. Franchement, attends. Grave. Ça aurait une autre gueule quand même. Ah mais moi, c'est pour ça que je l'ai amené. Bon, tout va bien. Ouais, non mais grave, tout va bien. Pour cette nocturne, alors on avait promis un truc cette semaine. Il y a un morceau sur cet album qui est sorti lundi en 5 versions. Excuse-moi, juste est-ce qu'on peut dire à Lassana pareil? Lassana, en fait, on fait de la radio. En fait, c'est juste voilà. Excuse-nous, tu vois. On est en direct là? Ouais, ouais. Ah bah alors lançons les hostilités, c'est parti. Mais ça y est, c'est parti. La nocturne ou pas? C'est parti. Non, mais la maîtresse de cérémonie, Marie, elle lance des trucs, c'est solennel quand même. Exactement, alors chute. Non, mais voilà, Marie, elle a déjà fait la nocturne entièrement jusqu'à 2h. Non, parce qu'à un moment elle se couche. Elle lance seulement. Moi, je propose qu'elle toute la nocturne. Eh ben, on va essayer de tenir en tout cas là. Minuit 20. Tenons. On a annoncé un truc cette semaine, c'est que sur ton album, il y a un morceau qui s'appelle, pour ceux qui n'étaient pas là, un morceau qui s'appelle Point commun. Exactement. Point commun où il y a. C'est 5 titres inédits en fait. C'est 5 titres inédits parce qu'au fait, le featuring qui intervient dans ce morceau-là, il est jamais le même selon l'exemplaire du CD que vous achetez. Ça, c'est incroyable quand même. Donc, à chaque fois que vous achetez un CD. Il y a Sam's quand il lâche la chicha qui est dessus. Exactement. Il rappe bien quand il lâche la chicha. Il y a Lino. This is. Alonso. Medine. Alonso. Et ils ont lâché des. Il y a aussi une version avec Marie, je sais pas si on. Plus tard. Mais en tout cas, beaucoup de gens se sont interrogés. Mais toi, t'as quelle version? Eh ben, ce soir, nous rétablissons la vérité. On va mettre du rap français, mais on va mettre les cinq versions. Voilà. Incroyable. Pour ceux qui ont même celle de Sam's. Même celle de Sam's. Ben forcément, il n'y a pas la version de Sam's. D'ailleurs, quelle est la meilleure Sam's de toutes ces versions? Franchement, sans être chauvin, j'aime bien le mec de Bordeaux qui pose. Franchement, moi, et ben vous allez pouvoir juger. Tiens, dites-nous un peu si vous aussi vous avez la version, si vous avez récupéré. Alors c'est uniquement sur l'album physique, hein. C'est sur le support physique, sur le morceau Point commun. Ouais, sur le digital, c'est priorité au maître Lino parce que c'est le plus ancien, donc on respecte les anciens. Mais sinon sur la version physique, vous pouvez tomber aléatoirement sur n'importe qui. Et il y a une version sur les 50 000, c'est la version de Marie. Faut la trouver. Ouais, bah, bon courage. Tous les CD qui sont mis en place et tu sens. Il y a des fans de Marie, ils ont. Hey, le couplet de Marie, exceptionnel. Ah, il défonce. Moi, je vous le dis, je l'ai écouté. On n'a pas été jusqu'au bout, mais il défonce. Bon, on va débuter avec la version avec This Is. Exactement, et comme il y a une nouveauté de This Is. Ouais, il y a un nouveau son qui s'appelle Abuseur. Je sais pas si tu l'as entendu ce morceau. Je fais partie du clip, en fait. Je faisais le Ghostbuster avec Soprano. Ouais, voilà. Notre trio préféré. Et voilà, c'est cool. D'ailleurs, spécial dédicace à This Is cette semaine, un gros concert de rap français, Malcolm X, with Malcolm X au Bataclan. Donc on le salue, lui et toute l'équipe Lucid Dream. Et ben on attaque donc, c'est un extrait de l'album de Youssoupha qui est dans les bacs et c'est ce qu'on fête ce soir et je peux vous dire qu'on va bien fêter ça. Donc bien bon, bien là bon. Pour l'instant jusqu'ici tout va bien. C'est pas sûr que ça aille. On fera un point toutes les demi-heures. Mais vous aurez toutes les 5 versions. Allez, c'est parti. Planète Rap, 100% rap français. On travaille pour le bien commun. Cherchons pas nos failles mais nos points communs. Gagner des batailles de nos propres mains. De nos propres mains. De nos propres. C'est les aventures extraordinaires de Bac Harry Potter. Beaumail et musique. Cherchons pas nos failles. Birma Stakwa depuis le Day One. On change pas une équipe qui craille. Kinshasa Karma. L'école n'a rien pu faire, vite cancre. Certains frères, vite cancre. J'esquive les ennuis, donc toute la nuit, moi, je vide l'angle. Et je rappe pas pour vite vendre. Je gratte dans ma petite planque. Charbonne et caplonne, mon album sera le Big Bang. Le Big Bang est posé CHI à la machine. Moi si j'étais Kaiser Soze, il serait Kobayashi. Donc imagine que je rappe encore debout face au monde entier. Moi j'ai dû faire le tout pour qu'on me donne la moitié. Je m'en fous du quartier, il réduit nos limites. Gros, il crée des polémiques. Gros, et je te le redis au micro. Mais pourquoi tu fais le dur? Les mecs sont fiers de leur département comme si leur daronne taffait à la préfecture. Je viens taffer dur pour pénétrer dans les livres. Je connais des illettrés qui savent bien lire entre les lignes. Je me livre véritable et vaillant dans ma fonction. La douleur est inévitable, la souffrance est une option. Primes parolier. Travaille pour le bien commun. Yeah. Cherchons pas nos failles mais nos points communs. Slam Dunk millionnaire. Gagner des batailles de nos propres mains. De nos propres mains. De nos propres mains. De la Vega. Bien sûr qu'on travaille pour le bien commun. DJ Mi. Cherchons pas nos failles mais nos points communs. Troisième underground c'est la mafia Masuba. Sénégal business. De nos propres mains. De nos propres mains. Les anciennes stars me trouvent suspect. Je suis tombé, je me suis relevé. Eux ne se sont jamais relevés de leur succès. Vu que c'est juste une éphémère life. Tu touches le ciel et disparaît comme un avion Malaysia Airlines. Je cours entre les red lights. Fuck la vie des connaisseurs. Moi j'ai appris que l'échec est le meilleur des professeurs. Quoi, ma vie est trop nickel. Je suis peut-être un génie qui roupie et qui finira dans l'oubli comme Sixto Rodriguez. En attendant y'a les rageux qui deviennent comme fous. Attendent impatiemment que mon retour s'arrête. Vous vous moquez de moi parce que je ne suis pas comme vous. Moi je me moque de vous parce que vous êtes tous pareils. Tout pour le paraître, en effet. Pour avoir ce que t'as jamais eu, il faudra faire ce que tu n'as jamais fait. Peu importe les défaites, tout reste possible. Pas de mauvais regard, quand tu gagnes, moi je gagne aussi. Pas Harry Potter. Travaille pour le bien commun. Cherchons pas nos failles mais nos points communs. Ça même. Gagner des batailles de nos propres mains. De nos propres mains. De nos propres mains. De nos propres mains. De nos propres mains. Bien sûr qu'on travaille pour le bien commun. À la salle Konaté. Cherchons pas nos failles mais nos points communs. Gagner des batailles de nos propres mains. Règle cuisinier. De nos propres mains. Bien sûr qu'on travaille pour le bien commun. Une spéciale pour Mousse. Cherchons pas Amadou, Sidibé, Almami, des batailles de nos propres mains. Christian le pirate, talent de Kidna, la Sana, Diakité, Fred le géomètre, Parfait Comis, PHILO, yeah. Des batailles de nos propres mains. Prince parolier le lyriciste de Pantou. Concept exceptionnel, point commun. A chaque version de l'album Négritude, un rappeur différent. Ce soir dans la Nocturne, vous allez découvrir les 5 versions. On commence par la version avec l'homme qui sort. Le 10e. This is la peste. Gamma. Que tu sois blanc, beurre, ni l'un ni l'autre. Autre et moi c'est kiff kiff. Autrement dit c'est pêle-pêle. Identité en pêle-mêle. Dans tous les périmètres, dans tous les pays même. Enfant ou père ou mère, tous dans la même mer. C'est vos moyens qui débarquent en état de grâce. Putain de vilain petit canard qui a lavé tout son tas de crasse. Soulevé tout un tas de fans. Mais ça c'est easy, maintenant ça se passe easy. Reste une piste au empty dans la crise. Tout ce cadavre dans la piscine. Pause. T'as bien vu les dégâts que je cause. Fonce dans le tas, c'est grave. C'est encaisse que pour mon cash. Pause. Va dire aux rappeurs street revoir leur grammaire. Et aux rappeurs conscients d'aller bien tous nick. Non. On se tire dessus mais tous la même voix. Ah là y'avait au Chris sous les par ces conflits à force. J'en fais une crise de poids. Regarde-toi dans le miroir. Comment me décris-tu? On le répète, tu es grand. Reste dans le geste, dans la négritude. Yama. C'était la fin. Ça commence fort quoi. C'était la version de Sam's. Même ici, ce soir. Même DC a laissé sa place à Sam, tu vois. Mais la version DC arrive. Eh, mais le mec a marabouté le truc. C'est grave. Pas ma faute. Youssoufa, toi qui t'y connais un petit peu en maraboutage. Mais ça arrive de manière aléatoire. Là, on a écouté la version de Sam, ce qui est très, très loin. Je crois que j'ai mis la version que tu m'as filée. Regarde, c'est le CD que tu m'as filé. Non, mais c'est pas grave. On remettra ma version après, comme on devrait la mettre. C'est pas grave. Ça vient du Sénégal quand même. C'est toi qui as inversé les CD, je suis sûr. Tu sais quoi, il est arrivé en loose D. C'est dit, hop, je vais glisser d'entrée de jeu. On va écouter la version DC. De toute façon, là, on écoute du D6 déjà à 10h. Et après, on va écouter du SP, le nouveau, la bif. Allez voir le clip. C'est lourd. En tout cas, on va écouter le son derrière avec Fred. Et voilà, quoi, une belle nocturne. En même temps, c'est la nocturne, hein, c'est jamais dans le bon ordre. Exactement. Et puis, franchement, ça a l'air d'être la fête. Ah, bah, ça l'est, hein. D6, 10e album. Ça arrive là. Je crois que c'est 1er juin. Voilà. Tu fais comme si c'était la boîte à ton père. T'en fous partout. Tu devrais poser ton verre. Quand tu danses, pose ton verre.

Kardashian. Plus t'es fraîche, plus je suis méfiant. Mon Amboka, Kuluna, Jester and Gentleman, Nazakuna. 60 paires de catch, c'est mon actu. De quoi finir sous des semelles à la plaque brute. Ils veulent le lion qui sort de la cage, gros. Dans ce cas, j'y vais cage, gros. Il a tenté la queue, Nel, en m'appelant mon frère. Il va en faire les frais, on les frais, on l'enterre. Il m'a pris pour une de ces salopes du rap game. Bah, essayez de me la mettre par devant, par derrière. Je vois qu'il me doit du bif. Il est où cet enculé? Il est où cet enculé? Il est où cet enculé? Je vois qu'il me doit du bif. Il est où cet enculé? Il est où cet enculé? Il est où cet enculé? Je vois qu'il me doit du bif. Si jamais il t'entend pas, crie encore. L'oseille ne rentre pas, vas-y bise encore. Ils crient la mort du rap, ils sont en prise encore. Ils sont pas morts, vas-y tire encore. Sur la vie de ma mère, je vais leur dire encore. L'homme s'appelle Ice Criminel. Espi, ne ratez pas son album. Il est très très très très très très très lourd le 12 octobre. Ça vient de 1-6 Block, spécial dédicace à RC. Lefty aussi, ça va arriver. Vous savez même pas, ne sous-estimez pas. Il a tenté la queue, Nel, en m'appelant mon frère. Il va en faire les frais, on les frais, on l'enterre. Il m'a pris pour une de ces salopes du rap game. Bah, essayez de me la mettre par devant, par derrière. Je vois qu'il me doit du bif. Il est où cet enculé? Il est où cet enculé? Si vous devez de l'argent à FP. Je vois qu'il me doit du bif. Il est où cet enculé? Il est où cet enculé? Il est où cet enculé? Je vois qu'il me doit du bif. Essayez de le rappeler parce que franchement, si vous lui devez du bif, c'est tendu. Jester and Gentleman le 12 octobre. Album événement. Le rap va bien, mon frère, dans la nocturne. Et c'est Youssoupha au contrôle de la nocturne ce soir. Il est là avec nous, avec l'album qui est toujours dans les bacs depuis lundi, qui fait un véritable carton, c'est Négritude. Grave. Et Espi qu'on écoutait, qu'on salue. Tu vas repartir en tournée aussi avec Espi, il sera là aussi? Toujours. C'est l'équipe, ça fait 10 ans que ça dure. Et puis là, il sort son premier album, il mérite tous les efforts qu'il a fournis. Je suis content pour lui. Voilà, le morceau Bif, énervé quand même. Il cherche un encul, je sais pas quoi. Ouais, là, j'ai pas tout compris. J'ai pas compris le prénom du mail. Non. Le mec s'appelle Monsieur Lay. Il est où? Ouais, Monsieur Lay. Monsieur Enculé. Tu vois ce que je veux dire? On s'écoute un peu de chanson française. Allez, chanson française, c'est sur ton album Négritude. Exactement, celui-là, ça va devenir un classique. Merci pour vos commentaires. Écoutez-le pour ceux qui l'ont pas encore entendu. Il y a plein de gens qui me disent que ça va être un classique. Donc dites-moi ce que vous en pensez directement sur le standard de Skyrock avec vos messages. Et vous pouvez envoyer avec le hashtag Youssoupha sur Skyrock, ça arrive direct. Exactement. 1, pas Harry Potter. Yeah, check 1, 2, Nodé à la prod. Check 1, 2, c'est ça même. Yeah, 1, ce putain de rap, on néglige mais il avance. Et n'écoute pas les aigris qui viennent te dire qu'il était mieux avant. Ça devient du pur vice, comme dit Alpha, je rappe sur le rap. Parce qu'à cause de lui, je n'ai plus de vie. MC ne teste pas. Pourquoi tu veux que la France respecte le rap? Puisque nous-mêmes, on ne le respecte pas. Faut pas qu'on reste calme. Méga bouge, toute ma carrière, je la dois au ménage à trois et à Diable Rouge. Attends, Nodé. Viens, on se fait un vrai couplet de rap français, t'as allé ouf. T'en dis quoi? Ouais, de toute façon, fais ce qui te plaît, hein. Le même amour, mais pas les mêmes pots. On court le même tempo. Congo Kinshasa, Africa, represento. Notre horizon est toujours vide. Je garde la vision. On dit que le rap est mort sans remords. J'essaie de toujours vivre. Grandir, sans plus à séduire. Mais j'ai visé le top. J'suis tellement aiguisé, j'te braque. Même pour du top. Personne comprend les codes à part mes acolytes. Nique le proc, nique le protocole et. Nique la police. Impoli, garder de la frappe, on fera tout pour. Eh, hey, tonton. Dis-leur que ce putain de rap sera toujours une musique. Pas faite pour 100 personnes, mais pour des millions. C'est ça, pour des millions. Arrive un peu, comme une rébellion dans le milieu. On est à milieu d'un modèle qui s'en va. Pour certains c'est mortel. Mouhamdoullah ça va. Mais on se rejette la faute quand tout part en couille et que c'est gore, hardcore. Comme reconnaître c'est toi. C'est pour les gros durs et les familles. Les ordures et les famines. Les tortures et les fortunes et les gosses durs et les gamines. Les victoires de la musique c'est pété, c'est pas les Grammy. Ici c'est toujours autour de la cité que l'on gravite. Chaque quartier compte son QG. C'est ghetto. Si jeune en mandat dépôt. Le poids sur les épaules, les mauvaises peaux on connaît. On a traversé le même mal, fais pas ta resta. Car si jamais on prend le mic, j'rappe mieux que toi. J'pète la capsule avec mes riffs de Dakar. Putain quel rap de crapule. Putain quel rythme de bâtard. Putain quel rythme de barbare. Essaie de nous stopper si tu veux, où tu veux, Renoir. Ok, écoute-moi. J'fais mon job à plein temps. J'gratte des couplets de barge depuis presque 23 printemps. Ça commence à faire long, tout ce temps passé dans l'arène. J'vais sûrement arrêter le rap avant que le rap m'arrête.

Marie préside toujours. Tu ne la pute, ni lécher des culs, ni corper des boules, ni clasher des potes, ni sucer des bites. Quoi, tu verras toujours entouré de mes frères, jamais sans mes frères. Et à part mes anneaux sur les oreilles, j'n'ai que des bites. Pas hydré. Et vas-y, porte l'égalité avec mes qualités. Je vais tous les allumer, ils veulent fumer, mon calumet. Pas un vrai, cherche pas, je suis validé depuis l'éternité. Qu'ils aillent se faire niquer, je suis broliqué. Parfait. Une seule mesure et je quitte des carrières. T'avais jamais entendu ça, tu rappes c'est France sans aucune barrière. Et là tu demandes c'est qui ce rookie, sorti de nulle part. Je balance même pas mes meilleurs vers, j'ai les pieds sous le bar. Tu rappes à haute dose, et comme le ciel n'est pas la limite, je rappe du cosmos. Ceux qui se la pètent sont tout appuyés et moi. On verra pas sans équipage, je reste debout grâce au acquis des rois. Le game c'est Disney, get rich. Et mes négros m'appellent Bambi, donc je déboule avec un pied de biche. Tu peux te marrer quand je viens tenter ma chance, mais demande plutôt à ta sœur comment ça se fait que je connaisse bien sa chambre. Ils comprennent pas, alors je remets une dose. Certains MC viennent nettoyer, mais quand je débarque, ils peuvent marquer une pause. Et je viens plaider la cause. Ils scandent tous que le rap est mort, mais encore hier j'ai prodigué ma prose. Ouais, y'a beaucoup de valeurs qui se perdent. Dis-leur que je suis pas petit genre, non, je suis pas petit genre. Moi, je suis le robot du bois qui fait l'écosystème. Ils me connaissent pas, ça les intrigue, mais moi, je m'installe. Kiff ma rigue, faute ma tête, c'est pas un star. J'suis la plus sympa des vermines. J'voulais appeler mon album vendredi, vu que j'm'y suis tout permis. Vous n'êtes pas prêts, mais on a plus le temps. Si j'suis à cheval sur mes règles, c'est que mes négros m'appellent pur sang. Tu veux du rap conscient? Ouais, j'ai ce qui va avec, mais là c'est qu'un mistral. Juste une frappe pour que tu bouges la tête. Cherche pas, j'suis validé depuis l'éternité. Qu'ils aillent se faire niquer, j'suis broliqué. Pas prêt. C'est pas du rap français, non. C'est du T-style. Hey yo, miss. C'est La Nocturne, c'est 100% rap français. Youssoupha au contrôle de La Nocturne pour fêter la sortie de l'album Négritude. Exactement, avec plaisir. Avec un choix de ton DJ, celui qui t'accompagne, Mist. Exactement, qui est un rappeur qu'on a découvert sur Orléans, qui s'appelle Lantis, qui est très fort, qui était là lors du freestyle tout à l'heure. C'est le nom du morceau qu'on écoutait à l'instant, Te vois. Je milite encore, on dit le rap français il va pas bien, un truc et tout ça. Allez chercher, il y a de la qualité. On a écouté le Nekfeu tout à l'heure, c'était très lourd, le Lentille, c'était très lourd. Yeah. On va s'écouter du Tito Prince, c'est bien. J'ai entendu un cri de Marie. Ouais, voilà, mais Marie le sait. Marie knows. Un espèce de présidente. Présidente, ça va? Ouais, ça va bien, merci, va bien. Je me régale. On va prendre la commande du Planète Rap. Hein. Non, il y a un transfert. Hein. J'avais oublié Sam's l'espace de quelques minutes. Faut pas m'oublier, moi. Jamais m'oublier. Il fume son argue, il est calme. Il a sorti la chicha direct. Marie, elle est restée très narguilée à l'ancienne, quoi. Tu sais, les anciennes, elles disent narguilée, tu vois ce que je veux dire. C'est comme dans Alice au Pays des Merveilles. Exactement, sur ton champignon. Tu comprends ce qu'ils se racontent, les deux? Je sais pas. On se comprend. Il est tard. Il est beaucoup trop tard pour eux. Il est beaucoup trop tard. Je comprends pas tout, en fait. Mais c'est bon, en tout cas, les deux, ils ont l'air de se comprendre. C'est bien. Non, mais c'est bien. On se comprend. C'est clair. On est connectés. Pas de soucis. Ah ouais, vous êtes bien connectés. La présidente s'est fait engrainer par Sam, c'est fini. Moi, je voulais faire un truc classe, genre le festival de Cannes, tu vois. Tu vois, comme ça, elle lance le truc et tout. Sam se l'a engrainé, c'est mort. Elle est dans le geste et tout. Youssoupha, je crois que tu as un son à nous balancer qui est dans ton ordinateur directement. On va s'écouter Tito Prince, des trucs que j'achète dans mon ordinateur. Un gars du 9-1 fort aussi. Grave. Et puis, on va s'écouter Esprit Noir aussi, 60G. Très fort aussi. Et Giorgio à l'abri. Ces trois-là. Oh là là. Se suivent, t'as vu. Le rap va bien. Et bon, faites ça avec Youssoupha ce soir. Je te lance ça. Quand tu veux. Alors, normalement, c'est parti là. Moi, j'ai lancé ça de mon côté. Voilà, attention. Alors, attention. Ah, t'as vu. C'est de la radio en direct. Ça fonctionne bien. Ah. Voilà, ça marche, c'est ça. Hein. Exactement. Tito Prince. Pas l'air joujou. Pas l'air doudou. Qu'on ne vous mente pas, non. Pas l'air zoulou, pas dans le voodoo. Qu'on ne vous mente pas, non. Je suis là pour tout changer. Coucou. J'suis là pour tout changer. Coucou. Pas leur zoulou, pas dans le boudou, qu'on ne vous mente pas, non. Pas leur joujou, pas leur doudou, qu'on ne vous mente pas, non. J'suis là pour tout changer. Coucou. Tito Prince, l'un des meilleurs de sa génération, le rap va bien mon frère. L'écriture dans les packs. J'ai choisi de plus être ce type lambda, paumé sur un coin de la street d'en bas. Je veux plus qu'il gâche ma vie sur mon canapé à me gaver aux chips Fanta. Je veux plus continuer ma vie comme ça, sans décrypter ce qui me glisse dans le crâne. Plus me contenter de vivre avec l'espoir qu'un jour je serai riche sans taf. Plus me contenter de sneak night, plus me contenter de slip line, plus dormir man. Je laisserai plus le marchand m'étouffer la nuit dans le sable. Je peux plus me contenter d'une vie la carte, ni devoir compter sur le bif la carte. Ici les années vont vite, je comprends pourquoi tout ce qui arrive d'Afrique change. Devant la porte éducative, faut que nos enfants réagissent. En gros, j'ai fait mon plan pour taxer l'audience adorale exploratrice. En gros, je suis venu montrer qu'on n'est pas fait pour cette foutue famine. Papa, la go de la banque te demandera plus d'épeler ton nom de famille. Je suis devant la porte des mélos, accueillir le changement, salut, hello. Je suis pas ministre de la culture, mais bon, je vais me charger du divertissement des nôtres. Je crois plus en eux, zut, me racontez plus vos bobards, chut. Mon prof le plus sincère, c'est celui qui me disait clairement de sortir ma flûte. Pas leur joujou, pas leur doudou, qu'on ne vous mente pas, non. Pas leur zoulou, pas dans le voodoo, qu'on ne vous mente pas, non. J'suis là pour tout changer. Coucou. J'suis là pour tout changer. Coucou. Pas leur zoulou, pas dans le boudou, qu'on ne vous mente pas, non. Qu'on ne vous mente pas, le rap français va bien, essayez de le soutenir. Prince Parolier, Tito Prince. J'suis là pour tout changer. C'est nous la chanson française. Soutenez vos classiques. J'suis là pour tout changer. Dans la contrôle, dans la nocturne, avec Fred Musa, Marie, Sam. Tito gratte du terrain, Tito is back. J'suis là pour entrer là où d'habitude les gens de mon type rentrent ap. Toto, j'kiffe combat. J'suis serein comme le type Don Back. J'suis ce MC dans l'industrie sur qui y a écrit Anomalie au programme. Avec un type comme Wham, il n'est pas question de canner ni de Van Damme. Puis j'ai pas besoin d'insulter ta mère ni ton postérieur pour rendre un disque vendable. Viens dire à la presse que j'suis plus attractif que les discours de Van Damme. Après mon album, ils verront ce que c'est de lâcher un titre à scandale. Cheese vise ma team, qui est là pour dire ce qu'ils disent de pas dire. Qui est là pour vivre ce qu'ils disent de pas vivre. Qui a dit que chez nous on signe pas deal. Franco, séant et accepté en chantant des classiques pour un type. Donc pourquoi je serais pas sous Scarla qu'on kiffe même si je remets ma vie à Chris. Paris je dérange trop, j'en connais trop pour un gars qui vient de cet étrange lot. En fait j'ai choisi de plus servir de dodane à ceux qui défilent en Range Rover. Je veux aussi la mienne bon, mais en passant par un chemin beaucoup plus peuple. Je suis un mec d'ailleurs bro, dites aux racistes que j'emmène une nouvelle couleur faux. Pas leur joujou, pas leur doudou, qu'on ne vous mente pas, non. Pas leur zoulou, pas dans le voodoo, qu'on ne vous mente pas, non. J'suis là pour tout changer. Coucou. J'suis là pour tout changer. Coucou. Pas leur zoulou, pas dans le voodoo, qu'on ne vous mente pas, non. Pas leur joujou, pas leur doudou, qu'on ne vous mente pas, non. J'suis là pour tout changer. Coucou. J'suis là pour tout changer. Coucou. Planète rap. Yeah. 100% rap français. C'est incroyable, c'est incroyable. Ah, c'est bon, hein. C'est incroyable, Tito Prince. Là, là, maintenant, on va s'écouter Esprit Noir. L'album Le Monde ne suffit pas arrive. 60 grammes, 60G. Eh, le rap va bien, on vous le dit. On vous le dit, Marie, le rap, il va bien. Le rap va bien, le rap, d'accord. Va très bien. On a du mal à respirer, le taux de chômage me coupe le souffle et les yaourts ont expiré. Je te parle de tout, des galères et des frigos. Du clochard du coin de la rue ou du crochet de l'Usfigo. Et j'oublie pas nos mères qui jouent les gladiateurs, qui taffent dur pour amener de quoi faire chauffer les radiateurs.

percé, je suis tout frais, je viens de mes concerts, j'hallucine, fini les tafs d'été. Je suis sur scène et ça me délivre, dites à mes parents qu'en ce moment je suis heureux et ça c'est dit. Des couplets grattés dans ma chambre et des faces bleues à l'usine. Pour percer, je suis tout frais, je viens de mes concerts, j'hallucine, fini les tafs d'été. Je suis sur scène et ça me délivre, dites à mes parents qu'en ce moment je suis heureux et loin ça c'est dit. Loin des femmes, des soucis, loin d'être mal et tout petit. Ah ouais c'est grave, j'étais allé chez mes gars et je passe mon temps avec le rap, on se bousille. Ma grand-mère s'inquiète grave, appelle sur mes deux portables, mais je ne réponds qu'à mon statut d'irresponsable. Je m'endors dans des trains en île de France, j'ai tissé ma toile. Et pour éviter la bague, on rentrait dans des ciné par derrière. La ville comme seul adversaire, avec mes amis, mes frères que j'ai perdu pour la plupart au fil des anniversaires. Personne me dira la tabu, j'étais un petit démon assez bon pour retarder ma première garde à vue. On l'a pas dit au reste de la famille, je leur ai fait la guerre et je m'en veux. Aujourd'hui je fais des envieux, mais je l'aimais à la paix. Des couples grattés dans ma chambre et des faces bleues à l'usine. Giorgio, le rap va bien. Mes concerts, j'hallucine, fini les tafs d'été. Je suis sur scène. C'est un petit classique ce morceau. Dédicace à Zabzi 92, Big Rap, Lexa, tous les gens qui m'envoient à leur place sur mon Twitter, je vous dédicace. Je viens de mes concerts, j'hallucine, fini. On va passer du Jospan, ne vous inquiétez pas. Dédicace à Zao, Sarah, médecin du monde. Sur le Twitter, Youssoupha Music, tous ceux qui me demandent de les dédicacer, je les dédicace, normal. Madalax, je t'ai vu. Lord Sad, Kibou, Atobai, Abdallah. Dédicace à Marcelo Bielsa, dédicace à ma présidente, wow. Elle s'appelle Marie. Ah, merci. Wow. La meilleure. Quand vous envoyez des dédicaces sur Youssoupha Music, mon Twitter, je vous dédicace. C'est la nocturne, le rap va bien. Il est parfait. Non, ah. Youssoupha, dédicace-moi à mon président Nasser. Ah, allez. Non, moi, ma présidente ce soir, c'est Marie. Ouais, merci. Ah, bien, bien, il est 1h du matin, elle est toujours. Elle est dans la nocturne depuis, dans la radio livre depuis 21h et elle est toujours avec nous. Et ouais. Bah, elle va rester même d'ailleurs encore un peu. Et puis, ouais, et puis ambiance de fête en plus. Ambiance de fête, il y a Sam qui est là. Chicha. La plus belle de ses chichas d'ailleurs. La plus belle. Ça, ouais, grave. C'est la version Marie. Merci Sam. Elle s'appelle version Marie. C'était con. Bon, il y avait donc Giorgio à l'instant, Giorgio qui prépare son projet qui risque d'être lourd. Hein, grave, et puis qui a fait une espèce de crowdfunding pour financer son projet. Qui a été un carton. Ça a cartonné. Des gars qui ont des concepts originaux pour développer leur musique. Et le talent. Et, voilà, le talent plus les idées, franchement, je dédicace. T'as vu, on me demande, ouais, mais c'est des potes à toi, c'est des gens. Non, c'est même pas mes potes, je les connais pas, et puis j'aime bien, donc je valide, c'est tout. Et il y a aussi un autre gars qui a fait un concept assez marrant avec un morceau qui s'appelle Point Commun. Ouais. On en est à quoi déjà? La troisième version? Il y a eu Sam's, il y a eu This Is. Ouais. Là, on va s'écouter une quelle version? Avec Alonso, on va aller dans le sud. Ah ouais. Ah, Alonso. Il est papé, fort. Qu'est-ce qu'il rappe, ça, Alonso? Ah, il est bon. Non, on l'embrasse. Bon, ah, grave. Et puis, c'est la version, bah, comme on vous a dit, un point commun dans l'album. Selon que vous achetez la version physique, vous pouvez tomber sur n'importe quel rappeur. Et puis, vous pouvez tomber sur Alonso, écouter son couplet. Il a découpé des Et bouches, juste hein. après, on va mettre un petit gars que je vais te faire découvrir. Qui nous vient du 11e de Paris, il s'appelle Mika Mikaz. Mais la nocturne, surprise. Ça sert à ça. Ouais, ça... Mais... on va découvrir donc un petit gars, Mika Mikaz, qui peut-être lui aussi sera prometteur dans les mois, dans les années à venir. Il ouais, faut lui tu dire à Mika Mikaz que même moi-même, je me suis fait découvrir comme ça. faut lui dire. Donc voilà, on écoutera un morceau à lui qui s'appelle Kuma dans quelques minutes. Mais juste avant, il y a. Bien sûr qu'on travaille pour le bien commun. Youssoupha, l'album d'écriture. Point commun, on vous a dit, il y a 5 versions différentes. Vous les découvrez en exclusivité dans la nocturne. Peut-être que vous avez eu la version de Sam's, ou de Lido, ou de This Is. Il y a Alonso aussi qui a kické. On est numéro 1 des ventes en France, c'est grâce à vous. C'est ça. Ah ouais, Marie. Moi aussi, je t'aime. L'école n'a rien pu faire, vite cancre. Certains frères, vite cancre. J'esquive les ennuis, donc toute la nuit, moi, je vis de l'encre et je rappe. Pas pour vite vendre, je gratte dans ma petite planque, charbonne et cabronne, mon album sera le Big Bang, le Big Band est posé CHI à la machine. Moi si j'étais Kaiser Soze, il serait Kobayashi. Donc imagine que je rappe encore debout face au monde entier. Moi j'ai dû faire le tout pour qu'on me donne la moitié. Je m'en fous du quartier, il réduit nos limites. Gros, il crée des polémiques. Gros, et je te le redis au micro. Mais pourquoi tu fais le dur? Les mecs sont fiers de leur département, comme si leur daronne taffait à la préfecture. J'ai un taf et dur pour pénétrer dans les livres. Je connais des illettrés qui savent bien lire entre les lignes. Je me livre, véritable et vaillant dans ma fonction. La douleur est inévitable, la souffrance est une option. Primes parolier. Travaille pour le bien commun. Yeah. Cherchons pas nos failles mais nos points communs. Slam d'un gagnonnaire. Bataille de nos propres mains. De nos propres mains. de nos promesses de la Vega. Bien sûr qu'on travaille pour le bien commun. DJ Mills, cherchons pas nos failles mais nos points. Troisième underground, c'est la mafia Masuba. C'est l'égal business de nos propres mains. Les anciennes stars me trouvent suspect. Je suis tombé, je me suis relevé. Eux ne se sont jamais relevés de leur succès. Vu que c'est juste une éphémère life, tu touches le ciel et disparais comme un avion Malaysia Airlines. Je cours entre les red lights, fuck la vie des connaisseurs. Moi, j'ai appris que l'échec est le meilleur des professeurs. Quoi, ma vie est trop nickel. Je suis peut-être un génie qui roupie et qui finira dans l'oubli comme Sixto Rodriguez. En attendant, y'a les rageux qui deviennent comme fous. Attendent impatiemment que mon retour s'arrête. Vous vous moquez de moi parce que je ne suis pas comme vous. Moi je me moque de vous parce que vous êtes tous pareils. Tout pour le paraître, en effet. Pour avoir ce que t'as jamais eu, il faudra faire ce que tu n'as jamais fait. Peu importe les défaites, tout reste possible. Pas de mauvais regard, quand tu gagnes, moi je gagne aussi. Pas Harry Potter. Travaille pour le bien commun. Cherchons pas nos failles mais nos points communs. Ça même. Gagner des batailles de nos propres de mains. Nos propres de mains. Nos propres de mains. Nos propres mains. De nos propres mains. De nos propres mains. Bien sûr qu'on travaille pour le bien à commun. À la salle Konaté. Cherchons pas nos failles mais nos points communs. Sobram Baba. Gagner des batailles de nos propres mains. Greg le cuisinier. De nos propres mains. Yeah. Bien sûr qu'on travaille pour une spéciale pour Mousse. Cherchons pas Amadou, nos failles mais nos points communs. Almami, des batailles de nos propres mains. Christian de le pirate, talent de Kina. Bien sûr, la Strada, Diakité, Fred le géomètre, parfait commis, PHILO, yeah. Des batailles de nos propres mains. Prince parolier, le lyriciste de Pantou. Négritude, négritude. L'album s'appelle Négritude, il est dans les bacs. Grâce à vous, on est en haut des ventes. Mais on essaie d'abord de faire de la bonne musique avec des bons rappeurs. Merci du soutien. Cette version-là, oh là là, vous avez entendu. Ça va. Ah, fais le taf, frère. Écoutez ça. Le langage cru, le cerveau cuit, je vis l'état moderne. Je les ai pas crus, je suis pas Charlie, je suis fils d'une Comorienne. Si je devais pleurer l'Afrique, je remplirais de trois citernes. Quelques points communs avec tous ces frères qu'on enferme. J'articule mon histoire. 1, 3, allez 3, viens voir. Des points communs au point de suture, on arrive à peine à le croire. Tu veux du buzz, rapproche-toi, je suis là-haut. Mais avant ça, tu vas passer au détecteur de métaux. Pas confiance en l'humain, on se bouffe quand y'a rien dans le frigo. Négritude jusqu'au point des sous des guerres. Vieux toxico, y'a pas de nanani nanana, j'parle vrai non pas de mytho. J'crois que j'vais bouger à Guadalajara, vivre à Mexico. On dit que j'ai des points communs avec CR7, 60 featuring, 60 fois j'la mets dans la lunette. La rue ce n'est pas ma mère, c'est ma connasse. J'la trompe avec le droit chemin quand j'bois pas de Chivas. Qu'est-ce qu'il est fort, Alonzo? Yes. Mais la nocturne, c'est Alonzo, c'est aussi des nouvelles découvertes, Fred. Mika Mikaz maintenant. Ah bon. On va écouter. 100% rap français, planète rap. La nocturne. Ouais, ouais. Ouais. Notre présidente Marie est toujours là. Elle est en train de s'enjailler, c'est yes, incroyable. Je m'enjaille, normal. En mode mouvement, tout ça, on aime bien ça. Moi je n'ai jamais fait la baltringue, même devant Diga. Cette année est à moi, demande à Jiken et Jika. Mets-moi un supplément d'MC dans mon Tikken Tika. J'ai besoin d'une nouvelle affiche, je vois le petit zizou à la Jika. Ouais, le petit zizou à la Jika. Oh, c'est 20 à Mary. J'en ai fait du chemin depuis mes petits concerts à la Mary. Arrête de parler de billets, t'as pas. Moi c'est le M-Yama, hein, la vie de ma mère que je les écoute pas. Pour moi ils sont tous seigneurs, hein. Ils rappent tous comme Rizka. À ce qu'il paraît tu me cherches, petit enfoiré, je suis dans le rose quoi. Ils parlaient sur moi mais tant que je suis stable. Depuis que je suis là ça part que de moi. Continue à sucer ma petite, dans deux minutes j'écrase sur toi. C'est pas pour faire le que mais je me sens meilleur que eux. Déclamer son sort t'as l'air étonné. Dans ce game y'a que des duplicata. T'as reçu une sacrée cata. Elle m'appelle toutes les semaines pour que t'es l'eau, je lui mette son kata. Ok gamin, appelle sur mon téléphone bip, j'suis toujours dispo, ça même le matin. Là j'suis en direct du bureau, j'écoute les conseils de Douma. Avant ils me sous-estimaient et aujourd'hui ils veulent me kouma. Mais laissez-moi demander. Il est fou ce mec, il est bon ce mec. Tu veux un feat, c'est ok, vois avec mon manager c'est BD. Et je sens que ma cote va monter. Dans ce game j'vais faire mon entrée. Ils étaient contents que j'puisse arrêter. Maintenant j'suis revenu, ils sont dégoûtés. En effet, c'est Mika. Je rappe depuis des années, me confonds pas avec tes petits gars. Dix années que j'écris, je devrais percer depuis le temps. Inch'Allah, bientôt la sortie pour Sosobina et Guitan. Ouais, Sosobina et Guitan. R2O et Jackis. Faut que je change de zeb là, ils vont me prendre pour un djihadiste. Je peux paraître gentil des fois, je pense que je suis sur la bonne voie. Viens, monsieur, c'est la bite que j'ai Kravitz, j'ai plus le temps de mettre des doigts. J'ai plus le temps de wesh mané. Je vais kiffer les beurettes quand je t'échange. Appelle-moi chef Kazmé. Mika Mikaz, tout le monde dans le studio te valide. Ma catégorie, je suis number wagon. Que ça soit les filles, les garçons, il y a du geste. Hein. La roquette forever, un coup pris comme Nasri. Laissez-moi demander, cette année est à Wam. J'ai dit, laissez-moi demander, cette année est à Wam. La nocturne Youssoufa au contrôle et Mika Mikaz. Ah, j'aime bien ça, j'aime bien. C'est bon, hein? J'aime bien. J'aime beaucoup. Tu kiffes. Youssoufa, je crois que tu as une annonce à faire. Grave. En plus, là, lui nous a enjaillé. En plus, là, je vais revenir dans un truc sérieux. Tu nous as gâtés. C'est ça, en fait. Je voulais, parce que je sais que ton émission, elle est grave suivie par tous ceux qui sont au placard. Donc, force à eux. Et moi, j'ai fait un morceau qui s'appelle Niquer ma vie. Et je parle justement de mon frère qui est au placard. Et peut-être qu'il, lui, je sais qu'il m'écoute, là. Je sais qu'il écoute la nocturne. Et je sais même pas s'il a écouté ce morceau-là qui s'appelle Niquer ma vie. Parce que je crois qu'on l'a pas passé pendant le Planet Rap. Comme il a pas encore dû recevoir l'album. Voilà, quoi. Je veux qu'il écoute. Et puis, je lui passe la force. Je sais que c'est plus la fin que le début. Mais voilà, quoi, on va s'écouter ça. C'est une belle nocturne. Ça passe du grave au plus léger. Mais voilà, quoi, en tout cas, force aux frères qui sont au placard. Ouais, bon courage. Nier. Voilà, même Marie, elle vous passe la force. Ouais, voilà, puis bisous à ton frère, mais bon courage à vous tous. Grave, Bachogui Ferragamo, je sais que tu nous écoutes. Force à tous ceux qui sont enfermés. Grave. Et puis ça s'appelle Niquer ma vie, et voilà, quoi. Et ils vont comprendre ça. Merci, frère. Mes potes ont niqué ma vie. Fallait que je le dise, l'amitié est chose fragile. Mais putain, fallait que je me vide, fallait que je vive dans ce HLM de merde à Cergy. Fallait que je me brise dans une ghetto mentale qui m'a asservi. La Zermi, c'est un concept interminable. À cause des potes, j'ai failli finir comme un délinquant minable. La garba, la gâchette, la racaille, le racket. Les tracas, les traquenards, le placard, les plaquettes. C'était pas mon rêve, moi, je valais mieux que ça. Et puis, maman veut pas que son fils devienne un mec sale, tant pis. On s'engraine comme des merdes jusqu'à pourrir. Mais comme dit le poète, la jeunesse est un risque à courir. On traîne en bande ou sur un banc, on se croit immortel. On devient grand, on devient gang, on se dit immortel. Ali est décédé, Mohamed est décédé. Et j'ai l'air con quand je pense aux paroles qui ont précédé. Excédé vu que ma rancœur grimpe. Petit, ça fait déjà longtemps que je ne représente plus le 9-5. J'ai fui le quartier et son casting. Putain, c'est rude, je veux pas faire du rap de rue à 34 piges. Et je pense tellement au temps d'avant, trop tragique, que mon prochain Planet Rap, je le ferai sur Radio Nostalgie. Et je m'agite pas pour les codes de ma ville. Je dédie ce couplet à tous mes potes, ceux qui ont niqué ma vie. C'est pour ceux qui nous esquivent, ceux qui restent braves, ceux qui galèrent en équipe, ceux qui grandissent comme des barges, ceux qui nous motivent, ceux qui nous poussent à l'outrage, ceux qui nous estiment, ceux qui ne tournent pas la page. Alors lève ta main si t'es en guerre avec les tiens, cousin. Lève ta main si tu te perds à cause des tiens. Mais bon, lève ta main si t'es solidaire des tiens. C'est pour ceux qui nous estiment, ceux qui ne tournent pas la page. Mon frère a niqué ma vie. Fallait que je lui dise, la famille est chose fragile. Mais putain, fallait que je me vide, fallait que je vibre, que je laisse enfin la raison parler. Fallait que je vise une autre ambition que la maison d'arrêt. À ce qui paraît, les regrets te capturent. Vu qu'au moment où je rappe ce texte, tu crèves encore entre quatre murs. Je capte plus là où tu veux vraiment en venir. Je cale dur depuis que tu manques, que tu te laisses partir en vrille. J'ai plus d'envie, y'a ma rancœur qui se voit. Les gens ont peur de nager juste à côté d'un homme qui se noie. Et toi t'as failli tuer mes études et ma carrière. J'ai brûlé mes vertus à force de couvrir tes arrières. Les paroles, les barrières, l'amour me délaisse. Du coup je t'envoie des mandats car j'ai pas le cœur pour t'envoyer des lettres. Dans ta cellule, si tu entends cette chanson, j'espère qu'elle te fera mal, comme j'ai mal à chaque fois que tu tombes. On est ensemble, mais moi j'ai grandi dans ta pénombre. Montre l'exemple parce que mon fils porte ton prénom. Fraternité, parfois compliqué à vivre. Je dédie ce couplet à mon frère parce qu'il a niqué ma vie. C'est pour ceux qui nous esquivent, ceux qui restent braves, ceux qui galèrent en équipe, ceux qui grandissent comme des barges, ceux qui nous motivent, ceux qui nous poussent à l'outrage, ceux qui nous estiment, ceux qui ne tournent pas la page. Alors, lève ta main si t'es en guerre avec les tiens, cousin. Lève ta main si tu te perds à cause des tiens. Mais bon, lève ta main si t'es solidaire des tiens. C'est pour ceux qui nous estiment, ceux qui ne tournent pas la page. Mais qui a niqué ma vie? Fallait que je vous le dise, la critique est chose facile. Mais putain, fallait que je me livre, en vrai. La rue ne vaut d'être vécue sans révolte. Elle aurait fait de moi une victime si j'avais grandi sans mes potes. Alors laisse-moi leur rendre hommage, hommage à mon frère. Pour tous ceux qu'on a partagé, pour tout ce qu'ils m'ont offert. Parce que sans eux, je serais mort au casse-pipe. Putain, je pense à dire merci, je le réalise qu'à 34 piges. Je parle du pire plutôt que garder le silence. Puisque le contraire de l'amour, c'est pas la haine mais bien l'indifférence. Sans eux, mon public n'aurait pas le rappeur que je suis. Sans eux, Malik n'aurait pas le père que je suis. S'il y a des gens dont j'ai forcé l'admiration, j'aimerais qu'ils sachent à qui je dois tout mon vécu, mon inspiration. Mon cœur n'est pas vide. Dédie cette chanson à mes potes et à mon frère parce qu'ils ont sauvé ma vie. Sauvé ma vie, sauvé ma vie. C'est sur l'album Négritude et c'est dédicacé à tous ceux qui ont poussé dans un quartier ou qui ont des proches à l'ombre. Yeah. Force. Force à vous tous. Hein. La Nocturne. On est reparti ? On est reparti, hein. Sénégal Business. C'est Monsieur Sams. Ah. Je te laisse me donner la main. Hein, vas-y, c'est bon, moi je suis prêt. Attends, il souffle sa fumée là. Ouais, il fallait que je prenne mon souffle. Non mais grave, Monsieur Sams c'est là. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Voilà, on entend le fond, le son derrière. Un peu plus fort, mais un peu plus fort, balance un peu plus fort. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ah ouais, ouais, ouais. On entend poule, poule, poule, poule, poule, poule, poule, poule. On a failli saccager le morceau de Sam. C'est quel genre de présentation ? On a failli malheureusement saccager ce morceau. Ah là, il va y avoir un problème dans les locaux Skyrock, là, je te le dis. Là, ça fait partir les Sénégalais de France. L'album de Sam, Dieu est grand, arrive en septembre. Écoutez ça. Sénégal Business. C'est Archi, mon sensei. Dédicace à Archi. Voilà, voilà, pop. Ah, c'est pour tous mes galfènes. Voilà, voilà, Sénégal Business. Garrison Inke, Sénégal Business. Ablai. Rebel Casamance, Sénégal Business. DSL. Jolof for Life, Sénégal Magi. Business. Sénégal La Business. La Nocturne, Fred. Dans un patard aux Almadji ou une villa Mbo. Poulet Yassa préparé par un genre de Viviando. Griot de la street, viens marquer mon époque. Le son des blocs, Flora gravement, voilà, voilà, pop. Suffit pas de nous décorer, Marianne, faut pas déconner. Faut que ces babous émerveillés dans le musée de Corée. On veut le gâteau, pas les miettes à picorer. Nous on se lève tôt pour Fajel, pas pour l'Américorée. Flingue à la ceinture, on se prend tous pour Django. En vérité, on est Stephen dans Django. Tu crois en la chance, vas-y gratte un banco. Ma gueule, tout est écrit, on finira en lambeau. Pays du Maghreb, Abidjan, Kamer, Congo. Pour toute l'Afrique et son histoire, sa richesse et son gombo. Afrique, Oscar Ulysse, Lekos, Sierra Tango. R.I.P. Joseph Ndiaye, Street Mani du Bango. Yama. Laisse nous faire nos jazz. Sénégal Business. C'est le 33. Sénégal Business. Paname et sa banlieue. Sénégal Business. Toulouse, Marseille et Nice. Sénégal Business. Mega O.A. Sénégal Business. Pour tous les Sénégalais de France. Sénégal Business. Nistra pour toute la France. Sénégal Business. Sénégal Business. Sénégal Business. Sénégal Business, toujours avec la même bande. Braqueur, dealer et vitesse. Des fous et des satins, bon, qu'on reste les mêmes. Tant que l'argent rentre dans que tank. Des gros gros, des gris gris sur chaque billet de banque. Attention si tu banaves, cherche pas à mettre une banane. Faut pas on te canard, Rafa, tu danses le mbala. Même trempé dans les paysans, la puissance vient de ta. Le rap va bien, ça c'est dans la Nocturne. On fait rien dans le cerf, ma gueule t'as senti l'air. La Sada, PHLO, FIF, Mehdi. On est le cauchemar du FL. Il est bien. Dans un cap PDF, dans des petites tours Eiffel. Représentant belle-mère, dis force que l'on pense tout bas. H24 au charbon, fonce dans le tas, calibré ou pas. T'es molotov, t'es D6, paracada, ma bouba. T'es ghetto vibe, des alpha 5, 20 des séries, une touba. Ma gueule, c'est là que tout part. Tout se passe près dans les combats. Big up au ghetto fab. La clique, c'est pour mailler. Sean, mon gars, Alpha 520. Aucune de vos Kairan, faudra le toucher, type de Pekin. Almami, mon gars, gradure. Le messie africain de Barakadaba, la science. C'était propre bail, Sénégal business. Sénégal business. Le rap va bien, on vous le répète. Soutenez-le. Il fait les mentalités. Tu prends le combat de Sankara, celui de Kunta Kinte. On a nos racines, mais nos attaches, t'inquiète, on n'a pas quitté. Sénégal business. Sénégal business. Dédicace à ma famille du Sénégal. Baba. Yeah. Toute la diaspora sénégalaise. Souleymane Diawara. Spécial dédicace mon gars. Force. Alpha One. 100% rap français. Planète Rap. Et en ce moment ils sont chauds hein, 1995. Nekfeu, Sneezy, spécial dédicace, yes. Alpha, j'aime trop ce gars. Ce morceau là, comme dit Alpha, je rappe sur le rap. Parce que j'ai, à cause de lui, je n'ai plus de vie. Marie, tu valides ou pas? Tu valides? Ouais, je valide énorme. Obligé. Yes. Comme Sneeze, je me demande s'ils sont prêts. Et aussi, est-ce qu'ils fileront le zeille sur cette immonde terre? Je taffe comme une fourmi et je chill comme la cigale. Mais je compte voir les hirondelles, les arcs-en-ciel, les chantes marguerites. Là où le temps n'est jamais perdu, là où le présent et l'avenir sont la même chose, tu captes. Bref, un énième couplet que je pose. Cela veut dire une grande bouffée d'air pur. Comme les grands MC, je ferai le job. Respecte car je rappe pas, je respire. Demande à mon gars virus. Plus le temps de glander, le rap doit assurer nos rentes, rassurer nos remparts. On n'a pas de plan B. Planqué dans l'ombre, nombreux sont ceux qui veulent me voir me planter. Les structures dream surgissent chaque jour. Je rappe sur le rap. Car à cause de lui, je n'ai plus de vie. Je rimais déjà au lycée, normal qu'ils apprécient mes flots. La marée est valide. La majorité préfère lustrer la pine des autres. Fox continue à plier le show. Grande salle ou petit appart dans mon odyssée. Je suis comme gynéco. Cherche le nirvana. J'esquive les pires fanatiques et je respire Paname. Je constate qu'elles sont un penchant pour les déséquilibrer, donc je m'éloigne. Sinon, je constate que les gens changent quand ils pensent que t'as du Jean-Jean. Mais sur liste médica, William Peel, c'est Tipa. Accompagné d'hydroponique médicale, on sera dans la légende. Genre Hakim et J-Rap, Big et Giga. Quand j'aurai fait les films, c'est dû les mille fois accompli ma vengeance. Qui me dira? Enfoiré, dis-moi qui me dira. La tête de flingue est folle. Les rappeurs français, y'en a plein que j'apprécie, mais très peu m'impressionnent. Après, c'est une histoire de goût. Je suis un wack rappeur, peut-être. Pour toi, si ton rappeur préféré, elle reflète celui que tu as peur d'être. Tombe le masque, c'est dans l'ombre que je marche. Parce qu'on me regarde pas, moi, bon, on remarque. Oh là là, il est fort. Pas besoin que l'or sur mon plexus brille. Déjà que je ne fais que surgir avec des Nike exclusives. Flingue. Le gars s'appelle Alpha One. Il est dans la nocturne parce que c'est le rap qui va bien. Allez chercher un peu le rap. Arrêtez de dire il va mal, il va mal, il va mal. Il y a du bon, il y a du bon. Spécial dédicace à mon gars Némir aussi. Ah. Il va bien. C'est la nocturne. Et Marie, tu vas bien? Ouais, super. Marie, elle est au max. Ah, moi, je kiffe. Elle est au max. Sam, ça va bien aussi? Moi, ça va toujours. Il y a la Marie, il y a Yous, il y a tout le monde. Il y a Mehdi. Dommage que tu sois derrière, tu peux pas apprécier l'ambiance qui se passe là. Ouais, il est au contrôle, il est au contrôle. Moi je suis au contrôle, regarde. Il a son verre. J'ai coupé la lumière de mon côté. Les lumières sont noir, les lumières sont éteintes. T'es dans l'obscurité. Ambiance Pink Paradise. On est là avec le son qui glissait bien d'Alpha One à l'instant sur Skyrock. La nocturne, c'est Youssoufa au contrôle. Vous l'avez entendu, il y a Sam, il y a Marie qui est dans le coin. Yes. Mehdi est dans le coin, Momo est dans le building. Il est derrière toi, Fégal. La Mickey. Nora, tu connais Nora qui est dans le building? Nora. Mon gars, Mikamikaze, viens. Non, c'est pas lui, hein, Mikamikaze. C'est pas lui, Mikamikaze. C'est l'ambassadeur de Mikamikaze. C'est l'ambassadeur de Mikamikaze. Ah ouais, frère, il enjaillait bien le son. Hein. C'est bon. Je fais de la médiation culturelle, là. Nora. Eh, et bien, bon justement, du son culturel, en voici avec un morceau qui. Tiens, belle transition encore. Ouais, grave. Ah, t'as vu? Un morceau qui est extrait de ton album Négritude. Ça, franchement, ce morceau est une pure tuerie. Une pure tuerie? C'est la Mannschaft. Avec une bombe. Il faut quand même le mec s'est transformé, quoi. Le gars, il a changé. C'est un Allemand, quoi. Ouais, bah, Allemand, par contre, parce que faute de français quand même. Ouais. C'est nous qu'on gagne. Et à la fin, c'est nous qu'on gagne. Parce que justement, les Allemands, ils parlent pas bien français, frère. C'est nous qu'on gagne. Dans tous les films sur la Seconde Guerre, ils parlent jamais bien français. Donc voilà, on a reproduit leur concept. Ça s'appelle la Mannschaft. Mannschaft, c'est ce qu'on écoute maintenant.

Je n'ai jamais vu une nocturne comme ça. Moi non plus. La nocturne. C'est une vraie soirée, la vie d'Ouam. Ça déchire. Les portes, elles s'ouvrent, il y a des gens qui arrivent. Tout ce qu'il faut. Non, mais il y a des meufs qui débarquent. Il y a des putains de meufs qui arrivent. Tu vois, fallait rester. Fais une nocturne jusqu'à 7h du matin. Non, parce qu'après, ça me faut ramener les filles à la maison. On les ramène. On fait des allers-retours. Non, détends-toi, c'est les copines. Non, mais on les dédicace quand même. Franchement, Marie, elle était venue juste pour annoncer. Normal. Et pousser quelques cris. Marie, épouse des cris. T'as entendu? Ouais, très souvent. Yes. Hey, mais tu sais quoi? Je crois que je vais faire une mixtape et ça va être Marie qui va la hoster. Hey, que des cris. Merci. Ah, ben oui. Avec plaisir. Marie est allemande. Parce que sur Mannschaft, là, elle a réagi. Hein. Non, c'est vrai que Mannschaft, ils rendent fou ce morceau. Ah ouais, c'était l'euphorie. J'aime bien. Oui. Mais je pense que tu aurais dû refaire un refrain. C'est nous qu'on gagne ici, c'est pas Nam. Oh, la calme-toi. C'est nous qu'on gagne ici, c'est pas Nam. Oh, attention. Calme-toi. Il est pénard, calme-toi. Tranquille. Je savais pas que t'avais du sang qatari. T'as vu? Regarde. On dirait pas un mec du Qatar. Il manque juste le turban. Et bah, ça arrive. T'as la barbe déjà. Il est fou ce gars. Il est beau. On continue? Ouais, on continue. On s'écoute une version. Je crois que c'est un son de Youssoupha avec Medine cette fois-ci. Ouais, Medine, la version Medine. Ah, on est déjà en quatrième version. Vas-y, fais régale les gens. Bien sûr qu'on travaille pour le point c'est commun. C'est aussi un extrait de négritude. Selon la version sur laquelle vous tombez, vous pouvez tomber sur l'homme du Havre, Medine. Because of King Records. Marie, tu passes une bonne soirée. Yes, j'adore. Sam's, c'est comment? Tous pas son max. Négritude toujours numéro 1 des ventes. Merci pour votre soutien. C'est ça, mère. L'école n'a rien pu faire, vite cancre, certains frères, vite cancre, j'esquive les ennuis, donc toute la nuit moi, je vide l'angle et je rappe pas pour vite vendre, je gratte dans ma petite planque, charbonne et cablonne, mon album sera le Big Bang, le Big Band est posé CHI à la machine. Moi si j'étais Kaiser Soze, il serait Kobayashi. Donc imagine que je rappe encore debout face au monde entier. Moi j'ai dû faire le tout pour qu'on me donne la moitié. Je m'en fous du quartier, il réduit nos limites. Gros, il crée des polémiques, gros, et je te le redis au micro. Mais pourquoi tu fais le dur? Les mecs sont fiers de leur département, comme si leur daronne taffait à la préfecture. Je viens taffer dur pour pénétrer dans les livres. Je connais des illettrés qui savent bien lire entre les lignes. Je me livre, véritable et vaillant dans ma fonction. La douleur est inévitable, la souffrance est une option. Prime, parolier. Travaille pour le bien commun. Yeah. Cherchons pas nos failles mais nos points communs. Bubble Fish. Gagner des batailles de nos propres mains. De nos propres mains. Yeah. De nos propres mains. De la Vega. Bien sûr qu'on travaille pour le bien commun. DJ Mir. Cherchons pas nos failles mais nos points communs. Troisième underground, c'est la mafia Masuba. C'est l'égal business. De nos propres mains. Les Dixogrammes me trouvent suspect. Je suis tombé, je me suis relevé. Eux ne se sont jamais relevés de leur succès. Vu que c'est juste une éphémère life. Tu touches le ciel et disparaît comme un avion Malaysia Airlines. Je cours entre les red lights. Fuck la vie des connaisseurs. Moi, j'ai appris que l'échec est le meilleur des professeurs. Quoi, ma vie est trop nickel. Je suis peut-être un génie qui roupie et qui finira dans l'oubli comme Sixto Rodriguez. En attendant, y'a les rageux qui deviennent comme fous. Attendent impatiemment que mon retour s'arrête. Vous vous moquez de moi parce que je ne suis pas comme vous. Moi je me moque de vous parce que vous êtes tous pareils. Tout pour le paraître, en effet. Pour avoir ce que t'as jamais eu, il faudra faire ce que tu n'as jamais fait. Peu importe les défaites, tout reste possible. Pas de mauvais regard, quand tu gagnes, moi je gagne aussi. Pas carré sauteur. Travaille pour le bien commun. Cherchons pas nos failles mais nos points communs. Ça même. Gagner des batailles de nos propres mains. De nos propres mains. De nos propres mains. De nos propres mains. Bien sûr qu'on travaille pour le bien commun. À la salle Konaté. Cherchons pas nos failles mais nos points communs. Gagner des batailles de nos propres mains. Règle cuisinier. De nos propres mains. Bien sûr qu'on travaille pour le bien commun. Une spéciale pour mousse. Cherchons pas Amadou, Sidibé, mais nos points communs. Almami, gagner des batailles de nos propres mains. Christian le pirate, talent de Kidna. La Sana, Diakité, Fred le géomètre. Parfait commis, PHILO, gagner des batailles de nos propres mains. Prince parolier, le lyriciste de Pantou. Négritude, c'est le nom de l'album. Grâce à vous, il est en haut. Eh, hey, on est en train de vivre un rêve avec Boom et Musique. Dédicace à mon gars, Mundele de Lille. Tous les gens qui me dédicacent sur Twitter. Mika, je te vois aussi. On va passer du Jossman, ne vous inquiétez pas. Écoutez ça déjà. On est deux, ajoute un S en écriture, le mot fait-il lettre. Check. J'suis qu'un arabe qui parle le petit nègre. Enlève ta capuche du sweet defense. Car les flics ne tuent pas que les blancs comme au barrage de Stevens. Tu lances des pics, petit, qu'est-ce tu es? Sur le trône du rap, j'place des pics anti-SDF. Oh, je cache mon jeu comme des règles dans un slip Bordeaux. Et le rage, je mets pas mon clip sur ton site porno. Tout est permis, casting de cubénien. Interdit d'interdire, freestyle œcuménique. La prochaine fois qu'un tweet nous traitera de sale gorille, tu te rappelleras qu'un crouille a inventé les algorithmes. RT, Jazz, NG, RTD, Artec, l'art, l'armée, l'arpège et les RTT. Oh, différentes tracks sur un même album. Car si le renard a plusieurs ruses, le hérisson en a qu'une bonne. Oh là là, le rap va bien, incroyable. Première mondiale sur l'album Négritude. Un morceau, 5 versions différentes selon l'exemplaire sur lequel vous tombez. C'est du jamais vu. Mon gars, Black Brut. CDC, remix. REDK, Olkari, Ami, SP. C'est ça que vous écoutez dans la nocturne. Le rap va bien, on vous répète encore. Arrêtez de le haïr. Marie le sait, Fred le sait, yes. Sam le sait, yes. Fif le sait. Mon gars Mehdi le sait, la Sana le sait aussi. Et la nocturne d'aujourd'hui, c'est juste n'importe quoi, mais on écoute du bon son. CDC, comme des coqs, mon frère. Pour mon gars Brutinho. Black Brut, dédicace à tous mes gars du 9-1. ISF. Écoutez ça, bon. Le rap va bien, on vous le répète encore, vous inquiétez pas, on est au contrôle, la nocturne. T'as fait appel à Ice, grand désordre, va te mettre à Schumann, te prendre tes potes, seulement ils envoyaient du lourd, comme des codes, mais bon on s'en va les couillards, je ne vois que des trouillards, alors putain de flow, qu'on leur met des putains de douillards, comme des clopes. Brut, dealer, on les tue sans gants, on fait pas semblant. Si t'es un vrai bouxer, pas besoin de forcer, ça s'entend. Je les vois tapiner pour un chèque, 2 minutes après venir sucer pour un check. Moi je suis sur le ring avec tous mes bling bling, accompagné de ma team et j'en ressors un bec. Nyeh. Attends, un verre de Jack City bar, prends ta fumeur par le bras, elle rechigne pas. Tu t'inventes des bides dans tes couplets, on kiffe pas. De du maton t'attrape, foncé dans un king bar. Attends, ma team que des battants, on frime illégalement, te brise des ligaments légalement. Attends, l'instru, je la fais crier sec, tu crois pas, t'as qu'à demander à Mega DSF. Plouf plouf, une vague en or, ah désolé c'est toi qui sort. Pour mon album, il fallait du sang frais. Et non des rappeurs atteints de la Parkinson. Depuis que j'ai posé mon cul, la concurrence qui jaune couleur Bart Simpson. Ça part de punchline, je dois frapper chinois. Je t'entends que du chan chin chan. Oh le gamin, je vais jamais grandir moi. Vas-y repars. Snap sur la tête, ma putain de calvitie naissante m'empêche de me laisser pousser les diffs. Je m'écoute mon énergie dans mes projets. Pendant que madame attend son petit métis. Ah y'avait Dream, j'ai eu mon disque d'or. Est-ce possible? Yes I can. Tout Bercy bougeait sa tête comme un coq. Que d'émotion, je faisais ça le fait. Les chiens de la casse à bois mais jamais n'attaque. De fin, jamais je ne changerai ma plaque. Pareil que c'est la campagne, approche, on va t'en dissuader. Tu repartiras à poil même si t'es des plus swagués. Un coq qui voudrait la chair de poule, mon sacré paradoxe. Pour capter vos œufs à tout péter, j'ai dû investir dans de sacrés paraboles. T'as fait appel à nous, grand désordre, on va te mettre à Schumann, devant tes potes. Seulement ils envoyaient du lourd, j'suis comme des codes. Mais bon on s'en va les couillards, je ne vois que des trouillards. Alors putain de flow, on leur met des putains de douillards. Nous c'est tout, les rats sur le crâne. Tous en cœur, bouge la tête comme des coques. Nous c'est snap, back sur le crâne. Tous en cœur, bouge la tête comme des coques. Nous c'est new, les rats sur le crâne. Tous en cœur, bouge la tête comme des coques. Nous c'est snap, back sur le crâne. Tous en cœur, bouge la tête comme des coques. Car la chenille comme dans la gorge, rafale de rime en plein cœur. C'est en tête de tout caracole, salut les vainqueurs. Tant pis si tu n'es pas d'accord, on argue les haters. Mon arsenal les mettra d'accord et non pas convaincre. Vous foutez rien, mes rousses pétées classiques, c'est make make. Tout est rêve, je fais tout péter du son basique au banker. Toujours prêt pour shooter, je me balade, j'envoie des couples de maladies négalables. Tous les MC prennent peur, oui les MC prennent peur. Et snap la honte, beaucoup de balivernes, oui c'est grave, pathétique. Nous du perso à la tombe, on se doit d'être solidaire. C'est pour ça que mes confrères et moi on marche en équipe. Je suis bien dans mon côté sombre et l'ambiance que ça libère. Tu me connais, j'ai pas joué les mecs falches dans les clips. Je me contente de l'ombre et leur laisse la lumière. Et te promets que quand je les croiserai, tu m'arrêteras les clips. Ils approuvent par le bas, ne sont bons qu'à ruiner. Leur peine, leur haine, merde, les gars sans les trop. Du coup, c'est bien leur langue de bois que tu vois dans ma cheminée. Toi qui voulais savoir de quelle voix je me chauffe. Surtout ne m'en voulais pas, j'étais venu pour débiter rien de grave. En vérité de la frappe, je viens délivrer bonne phase en illimité. Qui ne peuvent pas imiter, je n'ai pas le temps d'hésiter ni de polémiquer. Fais appel à nous, grand désordre, va te mettre à Schumann, encore. REDK, c'est n'importe quoi. Seulement ils envoyaient du lourd, comme des codes. Mais bon, on s'en va les couillards, je ne vois que des trouillards. Alors putain de flow, on leur met des putains de douilles. L'album Mister 1 de Black Brut arrive. Le rap va bien, on vous le répète. Back sur le crâne, tous en cœur, on bouge la tête comme des coques. Tous ces new, et rats sur le crâne, tous en cœur, on bouge la tête comme des coques. Tous ces snap, back sur le crâne, tous en cœur, on bouge la tête comme des coques. Yeah, vous c'est vous, nous c'est nous. Zizi dur, barre de fer, vous vous c'est mou. Validé par la street, genre de gourou chez nous. C'est l'attaque soviétique par tous les zoulous chez nous. Coucou, c'est nous, Glock dans chaque main. Black on black, t'as cru que c'était Batman. Le book zéro et focus, cramé tous ces faux types. Pour l'instant dans mon fond qui t'ajoute pas des acras. J'prends toujours mon doggy à cœur, dominateur. Blast sur vos 10 000 acteurs. Depuis quand le gorille a peur, mon collimateur. Des caïras, des ordinateurs. Mami Wata, j'ai ce que l'ennemi n'a pas. J'kick comme un crève la faim, comme un morphale. Salement sale, carrément crade. J'arrive en balle, j'ai trop la pêche. Au max, j'ai la banane. La chatte à Beyoncé, la chatte à Anna Montana. Bouge la tête comme un coq, je vais le bloquer. Toujours au max depuis l'époque, hip hop. J'ai les fois que j'ai les crosses d'une force. Bouge la tête comme un coq, je vais le bloquer. Toujours au max depuis l'époque, hip hop. J'ai les fois que j'ai les crosses d'une force, ok. Jungle aimé, bâtard l'aimé. T'as reconnu l'empreinte, car elle est sous-ninkée. C'est pour mes boulots, berbères, bambara, fennec. Boulou, bois, neuf, quatre, trois, règles. J'débarque sur le remix. Black Brut est comme des coqs. Les MC s'entre-sus, des heures après, ils s'entre-fuck. Laisse-les dans leur orgie. J'rappe pour mes ladies et mes OG. On vient des cités HLM où les balles viennent se loger. Quand la chambre parle, la vérité se tait. Quand la daronne parle, les vrais bonhommes se taisent. Quand les bonhommes parlent, les grosses batteries se taisent. Et quand le chétan rentre, toutes nos valeurs se perdent. Les rappeuses veulent tester, qu'elles commencent par écrire leurs textes. Le suicide c'est Harlem, j'pourrais pas liquider la peste. Comme des coqs, l'État veut nous faire danser, mais chez nous c'est naturel. Je maîtrise la valse, va le dire à Manuel. Dédicace à mon gars, Amadoun, Ami, Lassana, la diasma est là. Le bouquet, le quai 54 c'est en juin, inscrivez-vous, ça va être incroyable. Je n'ai que ça à dire. C'est la nocturne, c'est Youssoufa au contrôle de la nocturne 100% rap français. Il se passe des choses ici. Ah bah elle est sombre. J'ai des gens qui break. Est-ce qu'elle est filmée cette nocturne? Vaut mieux pas. J'ai des gens qui breakaient. Vaut mieux pas. Et une putain de belle nana en c'est plus. C'est surtout que toi, t'as été défié, t'as rien fait ça. Mais gros, j'ai perdu mes baloches. Mais là, je suis allez, Nora. Elle m'a clashé. Et on va s'écouter du t'as clashé direct. On va s'écouter du Boma et Musique plutôt. Non, que Black. Que Black. Tout va bien. Alors franchement, tout de suite là, tout va vraiment bien. Même trop bien d'ailleurs. Ça sort chez Bomba et Musique. C'est un classique ce morceau. Le rap va bien, le chant va bien. Je pousse au soleil comme une fleur de lilas. J'ai perdu des proches, donc un alléli. Tempé sous le coussin, car moi je vais m'en tirer. Si toi t'hésites, pas moi je tirerai. Maintenant c'est fini, faut qu'on en finisse. On a fait du mal, je sais qu'un jour poteau on sera puni. Le mal nous guette, pourquoi tu rouspètes? On veut te reposer pépère, avec le poche en pied de pépette. Je suis pas un ange, mais tu kiffes mon sourire d'enfer. Tu n'es pas une déesse, mais maman chérie ton cœur, je veux le faire couillard. Moi je fais bien, moi je fais bien. Moi je fais bien, moi je fais bien. On se tue pour des pétasses, on meurt pour des pesos. Tu seul à bord de mon vaisseau, c'est tout à fait normal que chasse en pétard. Moi je fais bien, moi je fais bien, moi je fais bien, moi je fais bien. D'autres nous trahissent, par la suite deviennent des païens. Des corps d'enfants cachés dans la païen. Voilà pourquoi dans ma tête j'ai la pagaille. Pas camarade, pas accueilli, paradis où il fait l'eau. C'est ça qui me rend fêlé. Tu veux me faire du mal, vas-y fêlé. Je vais bien, ils attendent que je pourrisse. Je vais bien, ils attendent que je périsse. Je vais bien, donc je vais prendre des risques. Je vais bien, dans ma page je les brise. À chaque fois je rebondis. Fini l'époque et des bandits. Papa, maman, grande sœur, allez leur dire que j'ai grandi. La haine, ça j'ai connu. La misère, ça j'ai connu. Les frères au hush, j'ai connu la misère, ça j'ai connu. Je sors de ma bulle, j'crois que c'est l'heure. Tout va bien, hamdoulilah. Certains m'ont déçu, d'autres m'ont blessé. Mais j'vais bien, hamdoulilah. Moi j'vais bien, moi j'vais bien,

J'ai perdu la guerre, j'ai trouvé la paix. Ressuscite mon petit New York et ses coups de feu. Pas de deep nique sa mère, Joey Star, c'était mon Sigmund Freud. J'ai le mauvais type, je regarde la jeunesse cliquer. Mieux vaut mourir incompris, passer sa vie à s'expliquer. Je suis dans le showbiz, donc je nage parmi les grands blancs. Je traîne avec des grands noirs, dis-le à Laurent Blanc. Si je pointe ta roue les gants noirs, tu vas casser ta voix fluette. Je rappe, je fais autant de gestes que Youssoufa avec une poucave muette. Sans souffrance, ma longue passe, plonge quand t'épouses la norme. J'ai mis Paris dans une bouteille de Grey Goose Magnum. Je redonne du sens au bleu, blanc, rouge, baisse et contre réac. Plus de son de malade que des rappeurs hypochondriaques. Fuck it. Merci de nous mettre numéro 1. Le concept est incroyable. Vous avez venu de découvrir les 5 versions lors d'une nocturne exceptionnelle. Incroyable. Ah ouais, ah frère. Toi, je pense que tu vas venir tous les vendredis. Ah la vie d'oie, ma franchement. Ah, tu m'étonnes. Et pendant ce temps, je suis en train de faire un bras de fer. Ah, je te jure. Ah, avec Marion, je vous présente Marion. Il se passe beaucoup de choses dans ta nocturne. Il y a des restos où je suis allé, il y avait moins d'ambiance. Alors attention, coup d'envoi, c'est toi qui arbitre, Youssoufa. Il y a un bras de fer actuellement. Sam's contre Marion. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, je vous commande ça. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Ça va, Fred? Marion, elle est tranquille. Ouais. Non, mais fais pas de détendu, fais pas. Allez, allez, sur deux. Eh, il y a de la triche. Oh, il a perdu. Eh, je conteste. Eh, je conteste. Eh, je suis en train de faire un bras de fer, on me prend une clé de bras. En tout cas, ça a pas l'air de déplaire, hein, la clé de bras. Grave. Non, ça me va. Comme vous l'entendez, beaucoup de filles dans cette nocturne, c'est pour ça que Sam s'est fait ratatiner. C'est fou, en fait, hein. C'est grave, grave. C'est incroyable. Et attention, tu vas avoir une petite chorégraphie de toutes les meufs derrière toi. Ah, mais alors par contre, il faut que tu balances un son vénère. Ah, vas-y, on a décidé, t'as vu, on soutient le rap français qui se développe, donc on a décidé de mettre Joe qu'on est sur les nerfs, tu vois ce que je veux dire. On va voir si les filles sont sur les nerfs dans le studio. Spécial délicace. À GoldenEye, tu vois ce que je veux dire. Ou Mardinho. Hein, gros album, gros album. Il y a des filles, des gars dans cette nocturne, c'est n'importe quoi. Fred, on est d'accord, c'est n'importe quoi. Grand n'importe quoi. On demande le respect à personne. MTP connaît la méthode, on peut la coucher pour un petit somme. Ça vient de Montpellier. Coucher pour une grosse somme. Ma technique arrive du deblé armé, prêt à partir en reggae. Aveuglé par les chiffres en 2D, gravé sur les billets en revêt. C'est plus que du peur, tu le sais, tu l'admets. Des ennemis, on n'aura jamais assez. Je vais pas me faire chier tout seul au sommet, donc je prends mon temps pour les effacer. Elles aiment le pognon, elles aiment la vitesse. J'explique un texto quand j'ai envie de sexe. Viens me voir si t'as la migraine. Je vais faire semblant de planter la petite graine. On est sur les nerfs. On est sur les nerfs. On est sur les nerfs. Baisse un peu le micro s'il te plaît. On est sur les nerfs. Yeah. Ramène ta biche, je la prends en sandwich avec le négro qui partage ma tête. Man, elle vient pas de Colombie, mais cette blanche me massacre la tête. Man, elle me reçoit 7 sur 7. Je sors ma hug, j'ai mes têtes sur tête. J'ai une nasse verte, j'ai une ceinture verte. J'ai la peau noire, j'ai une ceinture noire. Alléluia, la concurrence fait engloutir par des trous noirs. Je suis dans un grépas, échange juste en taille des filles. Dans les fumoirs, je vois des couverts dans les couloirs. Tous mes négros sont allumés. Ta poids, cette merde, c'est une poids du nez. Le loup-garou est ma lune. On est sur les nerfs. On est sur les nerfs. On est sur les nerfs. On est sur les nerfs. On est sur les nerfs. Paris sur les nerfs. MTP est sur les nerfs. On est sur les nerfs. Personne ne peut venir contrer toute cette énergie. Le mojo écaille ton vernis, hein. J'ai pas des idées bien placées. Mais pas plus du passé, je les ai dépassées. Veste matelassée, pas cassée. Vers marché, la pas de lacée. Dans le carré, je regarde l'état, ça va passer. Viens pas me faire la bise si t'es pas rasé, bitch. Le game se fait euthanasier. Cette petite prendra cher, c'est touche à cette dick. J'suis au top dans ma loge. Et dans les loges maçonniques. Et on quitte cette boîte. Si ta boîte est encore nette, chérie, je vais m'occuper de cette chatte. Comme Farid de la Morlaine. On est sur les nerfs. On est sur les nerfs. On est sur les nerfs. Paris sur les nerfs. MTP est sur les nerfs. C'est la nocturne 100% rap français. Tiens, c'est moi qui envoie le son. Tu vois, on va faire danser les meufs. C'est totalement n'importe quoi. Ouais. J'en ai rien à foutre de rien, on en a rien à foutre de rien. Ouais, on peut continuer sur celle-là, hein. C'est n'importe quoi. Tu sais que ça danse en adoption. Il y a plein de nanas très belles en plus. Nec feu. Ah, ton album, il va être grave. Hein. Même si être un classique, cet album. Je me sens un peu seul, hein. J'ai toujours pas trouvé la pièce manquante du puzzle. Hein. En possession de drogue, les jeunes sont faits tard. Hein. Quelle image mourir en position fétale. Hein. Je viens à peine de naître, demain je serai vieux. Hein. Et je vais tout faire pour être à jamais ce rêveur. Hein. On verra bien ce que l'avenir nous réserve. On verra bien, vas-y viens, on y pense pas. On verra bien ce que l'avenir nous réserve. On verra bien. On verra bien. Ce soir on ira faire un tour chez l'épicier ouvert en bas. Et on parlera d'amour entassé sur une véranda. Élevé par une vraie randa, j'ai des valeurs qui verront pas. Être un homme ça prend du temps comme commander un verre en boîte. J'ai le vertige quand je pense à toute la route qui me reste à accomplir. J'suis prêt à te casser les couilles si t'as vu, j'te laisserai pas conduire. Le temps ça file, on a peur d'enchaîner les défaites et puis rater sa vie, pas de projet à part mater des DVD piratés. Ah, on verra bien. Tout le monde rend fou, tout le monde est en guerre, hein, hein. Plus on se rend flou, et moins on voit clair, hein, hein. Quand t'as pas d'argent, dans ce monde t'as pas droit, hein, hein. Y'a ceux qui cassent en tête et ceux qui tapent à trois, hein, hein. Combien de fois j'ai volé par flemme de faire la queue, hein, hein. Mon papa me croit pas mais ça me sente le tabac froid, hein, hein. On se fait chier au taf, on attend les camps vins, hein, hein. On se parle derrière un ordi mais en vrai quand est-ce qu'on se voit, hein, hein. On verra bien ce que l'avenir nous réserve. On verra bien. Si bien on y pense pas, on verra bien ce que l'avenir nous réservera. On verra bien. On verra bien. Ici non seulement ça rappe, mais quand y'a un gros sommet, ça rappe. Que n'aie pas peur des insultes qu'on se lance aux consonances arabiques. Qu'on est tous dans le même bateau, même ceux que l'on n'aime pas trop. Car l'amour, le son et la bouffe sont devenus consommation rapide. Les jeunes pensent plus à des stars débiles qu'à Martin Luther King. Se lève jamais avant midi, à part le matin d'une perquise. Pendant que tes copains révisaient, le petit Ken devenait écrivain. Oui, je pense qu'à m'amuser, mais pour la coke, j'ai le nez de krill. Escrew, un 995, on a rien à foutre de rien. Blackbird, l'entourage, on a rien à foutre de rien. Nos corps fonctionnent à l'envers, on marche avec des têtes, on se sent avec un regard et on joue avec les nerfs. Moi je parle avec les mains, parfois je pense avec ma. Mais je touche avec mes pensées, j'écris avec le cœur. J'en ai rien à foutre de rien, rien à foutre de rien. Je n'en ai vraiment rien à foutre de rien, rien à foutre de rien. On verra bien, rien à foutre de rien, rien à foutre de rien. Je n'en ai vraiment rien à foutre de rien, rien à foutre de rien. On verra bien, rien à foutre de rien, rien à foutre de rien. Je n'en ai vraiment rien à foutre de rien, rien à foutre de rien. On verra bien. C'est la nocturne, c'est 100% rap français, c'est 100% n'importe quoi avec Youssoupha au contrôle de la nocturne. Ah ouais, tu crois ? Marie qui est là encore. Yeah. Youss, on va pas tarder quand même à tirer le store. Hey, tu sais quoi, je ne gère plus rien. Ouais, je vois que tu gères plus rien. Il y a un bordel. Hey, tu sais quoi, c'est une vraie soirée. Bah, est-ce que tu veux que j'envoie session classique un petit peu pour finir ? Ouais, ouais, fais-toi plaisir. Tu sais quoi, là, j'ai plus la force. T'as plus la force. Ouais. T'as vu toutes les belles meufs que je t'ai rapportées. C'est que Fred, on a la chicha dans son âme. C'est même plus la nocturne 100% rap français. Mets du reggaeton, mets du raga, mets n'importe. Au revoir. On met n'importe quoi. Du reggaeton. Il y a celle qui a perdu au bras de fer qui parle là. Ouais. La nocturne, ce grand n'importe quoi de la nocturne. Fred, je peux ne plus faire Planète Rap. Non, laisse-moi gérer. Je finis avec 2-3 morceaux. On va finir avec 2-3 morceaux. Franchement, là, j'avais des sélections, mais tu avais été là. Ouais. Là si on peut partir en live. Je suis en train de danser dans le studio. C'est n'importe quoi. Laissez-moi gérer. Tiens, on va faire une dédicace là où tu te trouves. À Créteil, tu veux bien ? Ah, je veux bien, je veux bien. Dédicacé à ceux qui rappent sur Bitcoin. Allez ! La nocturne. C'est la nocturne, c'est session classique pour finir. Allez, on finit dans 10 minutes. Et on finira avec un son de Youssoupha classique dans la nocturne 100% rap français. Allez, avec plaisir, d'écriture, merci pour ceux qui soutiennent. On remet le son. Calmement. Calmement. Le 3 connection, baba. Husky, wanna melatitude.

pas qu'il y ait les images. Oui, oui, les images. En même temps, il faut se les imaginer. C'est bien aussi la radio pour ça, Youssoufa. Exactement. Ouais. C'est-à-dire que c'était n'importe quoi. C'est-à-dire que si jamais à un moment j'étais plus au micro, c'est parce que c'était n'importe quoi, en fait. Ouais, bah. C'était énorme. Et il est 2h20. Et Marie qui a commencé la radio libre à 21h est toujours là. Bah, je vous rappelle que je suis là depuis 9h du mat, les amis. Ouais, exactement. Il commence à 9h. Hein. Il doit y avoir des raisons, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Moi aussi, je peux conclure. Depuis midi. Hein. Il manquait plus que midi. Eh, Mehdi, il est là. Fred est là. Merci Marie, à Sam d'avoir ambiancé. C'est une aussi. Très belle femme. Merci à toi. Ah. Franchement, elle est bien cette boîte de nuit. Je reviens souvent. Bon, c'est con à faire ma 2h20, mais ça va, c'était pas mal. Je viendrai plus tôt, je viendrai à 9h du matin. Bon, en tout cas, juste, je vais dire juste un truc, après on fera les dédicaces, tout ça, machin. Merci vraiment, Youssoufa. Merci pour cet album Négritude. Allez vous procurer Négritude. Merci pour cette semaine, magnifique semaine dans Planète Rap. Non, mais franchement, c'était magnifique. Et on a conclu en feu d'artifice. Non, mais c'était n'importe quoi. Je crois que, franchement, là, on va parler vrai. De toute façon, il est 2h20. Ouais. C'était une semaine avec un peu de tension, justement. On sort un album, on cherche beaucoup de bien. Et je crois que sur la fin, on s'est un peu lâché. Et mais c'est ça aussi, c'est vendredi, c'est lâchage. Ouais, et puis, franchement, merci à la radio Sky parce que sur cet album-là, ils ont grave joué le jeu. Ils ont passé plusieurs titres. Et un Planète Rap ce soir, c'était Sky Youth, tu vois. Ah, bah, t'es chez toi en même temps. J'étais sur la radio libre, j'étais sur Planète Rap. Mais en dehors de ça, il y a toute une histoire aussi. Youssoufa, tu la connais, on va pas la rappeler, mais il y a toute une histoire entre nous, entre la radio, entre plein de choses, avec des moments du plus dur d'ailleurs, des moments on va pas super sympas. Ouais, mais ouais, non, il y avait des moments un peu plus durs, mais t'as vu, les rapports ont toujours été sains. Et la honnêtes. Famille. Voilà, tu vois ce que je veux dire, et c'est bien, et en tout cas, je peux pas, moi, je ne pourrais pas me plaindre par rapport à. Aux relations et surtout à toute l'aide que m'a apporté la radio sur cet album-là. Donc, merci à toute l'équipe. Tu vois ce que j'ai remédié. Il est là. On écoutait les apparences nous mentent. Il me disait depuis les apparences nous mentent, c'était en 2009. Ou de 2007 tuerie, même. Ouais, grosse tuerie. Il y croyait déjà et il me le disait avant. Hein. C'est pas genre il me l'a sorti aujourd'hui. Il me le disait déjà à l'époque où ça marchait moins. Premier album, il y a plus. Ouais. Plein d'années maintenant. Ouais. Exactement. Il y a presque 10 ans, tu vois ce que je veux dire. Et, ouais, c'est normal, tu mérites. Hein. Ouais, et la Nocturne, c'était déjà il y a 10 ans. Et Marie, elle me soutenait déjà. Yep. Il y a 10 ans. Voilà. Et donc aujourd'hui, on fait tous la fête. En vrai, c'est comme si je conviais en fait, en vrai, des amis à ma fête. Bah voilà. À la célébration pour cet album. Plus tous les auditeurs, auditrices qui étaient là ce soir. Merci et ouais, à vous et tous. Merci beaucoup parce que vos messages, on les reçoit et ça fait chaud au cœur. On va bien sûr pas s'arrêter. Et merci à toi, Fred, parce que mine de rien, la Nocturne, les émissions spé sont parties, mais la Nocturne, reste et subsiste, et c'est celle qui porte nos morceaux haut. Franchement, tu vois ce que je veux dire. Et moi, dans 10 ans, on se retrouve avec une barbe. Mais moi, là, franchement, tous les vendredis, ça va être rude. Hein. Tu kiffes. Ah, je sais pas comment elle va être la prochaine Nocturne, mais moins si jamais, bien. Ouais, t'inquiète. Moins bien. Elle va forcément être moins bien. En tout cas, faites du bruit, ceux qui étaient là. Faites du bruit. Ouais faites du bruit. Merci à vous tous, merci d'avoir suivi. Quand des mecs qui dansent, il y a plus de son, il y a des mecs qui dansent. Il n'y a pas de musique, mais les gens dansent. Il y a Franck qui danse. C'était une boîte de nuit. En fait, en vrai, c'était une boîte de nuit. Hey, mais tu sais que Fred, il y a un mec derrière toi dans l'obscurité depuis tout à l'heure. Il danse en débardeur. Bah, c'est Franck, c'est un pote à moi. C'est Fab. Fab, grand respect. Tout à l'heure, je te vois derrière, il n'y a même plus de musique. Mais c'est un go-go danseur, le mec. Vous le voulez pour vos soirées, vos baptêmes, vos soirées. N'hésitez pas. 41759, on vous envoie Fab direct. Tiens, je salue aussi l'autre Fab qui est en voiture, là, l'autre qui a réalisé Planète Trap. Ouais, bisous à lui. Ouais. Qui doit être en caisse, ouais, qui nous écoute, qui doit se dire putain, ils doivent être déchirés. Et il a raison. Ouais, non, mais nous, par contre, on n'est pas en voiture. Tiens, alors, petite leçon. Tu as une idée ou pas, Fred? Juste un truc, Mehdi, juste un truc là-dessus, finir là-dessus. Nous, on s'est mis bien, mais faites gaffe quand même, voilà, tranquille. Exactement. Pépère, dormez dans votre voiture si vous aucun avez une caisse. Aucun d'entre nous. Ouais. Ah oui, il vaut mieux. Marie, tu conduis pas? Ben non, j'ai pas le permis, t'inquiète. Bah, voilà. Il y a pas de risque. Moi, je prends un taxi, donc on je pense que Fred va m'accompagner, tu vois. On a tous plus le permis, en fait. Mais soyez vraiment prudents en tout cas. De quoi? Vas-y, Mehdi. Vas-y, je lance une idée vite fait. Il y a Yousk avec nous. Vas-y, qu'est-ce qu'il aimerait écouter pour terminer la Nocturne? Ah, t'as une idée? Franchement, j'ai pas du shit quoi. Dans l'album, il y a un morceau. Vas-y, on va finir en douceur, vas-y, mais grande douceur. Dans l'album, il y a un morceau qui conclut l'album qui s'appelle Mourir mille fois. Et voilà. Amen. Voilà, et c'est bien. Ah, bah parfait. Ça. Tu vois ce que je veux dire? Et bon, on finit avec ça. Merci à vous tous. On a fait beaucoup d'agitation et de bêtises. Non, mais ce soir, c'était n'importe quoi. Et une grosse dédicace. Et le A, Ahmed, le A, t'as raté quelque chose de malade. Ceux qui n'étaient pas là. Sam's. Et Sam's, toi, t'as pas raté, hein? Moi, j'ai pas, mais moi, j'étais là. J'étais là, l'ambassadeur du geste. Avec... Ah ouais, ça a Je nomme officiellement aujourd'hui Marie, l'ambassadrice internationale. internationale. Ah, merci, j'aime ça. Marie est en débardeur. On ne sait pas pourquoi. Ah, mais j'ai changé. Elle est en chemise, elle est partie en débardeur. Ouais, j'ai changé. Il est grand temps de s'arrêter parce que sinon, on ne sait pas comment l'aurait fini. Exactement, mais énorme nocturne, merci. On va déborder sur le planète rap de DJ Amidé. Ouais. Amidé ouais, non. C'est Kofi Olomidé. Hein. Ouais, je suis perdu, t'as vu. Et DJ Amida, Kofi Olomidé. J'ai pas toute ma tête à cette heure-là. Bon, merci à vous tous, merci vraiment à toi, Yous. Merci à tous les gens qui soutiennent, merci vraiment du fond du cœur. On a reçu tous vos messages. Yes. Et puis, franchement, je suis en train de vivre un dream depuis 10 ans à travers tous les projets qu'on a passés dans la nocturne et sur Sky. En tout cas, et je merci sais. À la radio. Comme je sais que t'es un peu partout en ce moment, t'étais sur D8 cette semaine et tout, ouais. etc. Je te souhaite de vivre comme la nocturne. Ah ouais. Chez les autres. Dans le noir. Qui a rallumé la lumière sans prétention, je pense que ça va être dur. Momo est à la lumière. Ah ouais, non, c'était la meilleure celle-là. C'était la meilleure. C'est une boîte de nuit, c'est n'importe quoi. Allez, merci à vous tous. Juste après, il y a le blond, il est où le blond? On l'a pas intronisé le blond. On l'a perdu. Franchement, il y a eu tout le monde. Il y a eu des blonds, des bruns, des braillés, des grands, des roux, des roux, des débardeurs, des non, n'importe quoi. On parle mal de moi, ça, non? Mais non. Allez. Mon gars au débardeur qui danse clair. Allez, passe un bon week-end tous. Mais c'est vrai qu'il est ridicule, il se débardeur. Bon week-end, Marie. Allez, bon week-end tout le monde. Ciao. Ciao. Merci. Allez, pécho des gratins. Zico. Alors ton deuil c'est mon deuil. Je vibre quand tu vis, un cœur pour un cœur. Puisque je brille quand tu brilles, alors je meurs quand tu meurs. Dis-moi pourquoi je m'essouffle et je m'entête. Pourquoi je tousse, pourquoi c'est moi qui m'étouffe quand c'est toi qu'on enterre. Pourquoi la vie ne dit pas ce qu'elle coûte. Pourquoi on a beau tuer le temps, mais c'est le temps qui nous enterre tous. Pendant que la terre tourne, sans dérision, la mort s'en fout de vos doutes entre la science et la religion. Je crois au paradis sans preuve, trop de larmes, et les sceptiques me taquinent et veulent mon Instagram de l'au-delà. J'ai des rêves en dollars, c'est percutant, mais je ne cherche pas à gagner des thunes, moi je cherche à gagner du temps. Mon tourment n'est pas un effet de mode, j'avais la vingtaine, j'écrivais des chansons du genre Youssoupha est mort. Énorme, personne ne sait ce que mon cœur regrette. Personne ne connaît mes rancœurs secrètes. Je crée mes propres modes. J'ai pas de modèle et pour me sentir immortel, je vais aux enterrements des croque-morts. Entre la scène et la mosquée, je traîne beaucoup de remords. Je mène une double vie, est-ce que j'aurai une double mort? Et les gens ne croient que ce qu'ils voient. Moi j'ai perdu tellement de proches, j'ai l'impression de mourir mille fois. Mourir mille fois. Mourir mille fois. Mourir mille fois. Laisse-moi croire qu'un au revoir ne nous sépare jamais. Mourir mille fois. Mourir mille fois. Mourir mille fois. Et on repart sans que le temps nous répare. Alors je parle de nos proches, du temps qui les emporte, du temps qui laisse des marques et puis des masques que l'on porte. Nos bravoures et nos larmes, nos amours et nos drames. Le poids de nos parcours, le poids de nos 21 grammes. Nos trous noirs et nos flashs, nos coups bas et nos crashs. Et tout ce qu'on dit tout bas et tous les combats que l'on cache. Car peu importe de vivre tout, de vivre droit, de vivre fou, de vivre froid. Puisqu'on va mourir mille fois. Et même en mille phrases, je te jure les mots me manquent. Et même en mille phrases, toujours la mort qui me hante. Chacun son propre vide. Quand on enterre un être cher, on enterre aussi une partie de sa propre vie. Un deuil est un deuil, j'essaie pas de faire la diff. Quand on est jeune, on ne meurt pas, on perd la vie. Loin des vices à la mode, je marche seul. Même si je sais que marcher seul, c'est un peu s'entraîner à la mort. Alors j'ai vraiment l'air anéanti. Quand on m'a dit que les derniers seront les premiers, disons que j'ai ralenti. Repenti mais jamais trop faible. Je vous laisse croire en vos psys, laissez-moi croire en mon prophète. J'ai trop de frères qui me relèvent à chaque fois que je me penche. Mais trop de frères qui me crèvent et qui me plantent. Je repense à Tupac et Biggie. Le rap game te souhaite la mort et à ta mort il fait des t-shirts à ton effigie. Je me réfugie jamais dans la rancœur. Papa je te porte dans ma tête et Malik te porte dans son cœur. Mes souvenirs sont vides à ton enterrement. Je ne pleurais pas mon père, moi je pleurais le grand-père de mon fils. Les sacrifices nous rendent avisés. On ne sait pas vraiment de quoi on est fait tant que l'on n'est pas brisé. Mais on se relève toujours, tu le vois. Même si perdre autant de proches donne l'impression de mourir mille fois. Mourir mille fois. Mourir mille fois. Mourir mille fois. Laisse-moi croire qu'un au revoir ne nous sépare jamais. Mourir mille fois. Mourir mille fois. Mourir mille fois. Et on repart sans que le temps nous répare. Skyrock, rap R&B en premier, rap R&B non-stop.